Chapitre 6. La lumière est mise sur le chandelier. La servante de Dieu est élue assistante une première fois, puis nommée maîtresse des novices. Triomphe du Sacré-Cœur dans la communauté de Paray. 1684-1686. Le départ de la mère Griffier fut pour sœur Marguerite Marie une rude épreuve, à l'inverse du sens que l'on a coutume d'appliquer à ce mot. Expliquons-nous. La mère Péronne Rosalie venait d'être remplacée, à la tête de la communauté de Paray, par la mère Marie-Christine Melun, prophète du monastère. Ce qui distinguait cette vraie fille de Saint-François de Sales, c'était une douceur incomparable. Depuis longtemps, grande admiratrice des vertus de la servante de Dieu, elle jugea qu'il ne fallait pas laisser davantage une telle lumière sous le boisseau. Elle proposa donc au chapitre la sœur à la coque pour assistante, et l'élection ratifia le choix de la nouvelle supérieure. Or, pour une âme toute d'humilité, comme était celle de notre sainte, se sentir revêtue d'une charge qui comporte certains petits honneurs, c'était une intime souffrance. Ce qui lui en était une bien plus grande encore, c'était de se voir privée de ce pain délicieux de la correction, dont la mère Griffier lui avait été extraordinairement libérale. Tout cela réuni lui devient une peine si étrange qu'elle ne peut s'empêcher de la verser dans le cœur de son ancienne mère. Et elle lui écrit avec le plus filial abandon. « Il me semblait que je vivais en assurance sous votre conduite, parce qu'elle me faisait toujours marcher à rebours de mes inclinations naturelles. Et c'est ce qui faisait plaisir à cet esprit, duquel je crois être conduite, qui me voudrait toujours voir abîmée dans toutes sortes d'humiliations, souffrances et contradictions. Autrement, il ne me donne point de repos. La nature n'y trouve pas son compte à tout cela. Mais cet esprit qui gouverne le mien ne peut souffrir que j'ai aucun plaisir, que celui de n'en avoir point. » Comme pour se dédommager de remplir une charge honorable aux yeux des créatures, sœur Marguerite Marie aimait à s'appliquer en tout au plus bas office de la maison, allant s'offrir aux sœurs de la cuisine, tant pour les aider à porter leur bois et laver la vaisselle, que pour d'autres travaux. Un jour qu'elle était plus occupée que de coutume et en train de balayer le cœur, ses bonnes sœurs vinrent la prier de leur donner du secours. Volant où la charité l'appelait, elle ne prit pas même le temps de relever les balayures et ne put retourner achever sa besogne avant que l'office sonnât. En entrant, la communauté trouva ainsi les choses tout en désordre. L'humble assistante en fut sensiblement mortifiée. Mais c'était pour l'ordinaire sa récompense, remarquent les contemporaines. Cependant, elle s'acquittait des devoirs de sa charge à la satisfaction générale. La solitude de 1684 fit époque dans sa vie d'union à Dieu. Le souverain maître l'y prépara directement. Puis, il se communiqua à elle avec une toute divine surabondance. Quelques mots suffiront à le prouver. Le premier jour, il me présenta son Sacré-Cœur comme une ardente fournaise où je me sentis jetée et d'abord pénétrée et embrasée de ses vives ardeurs, qui me semblaient m'aller réduire en cendres. Ces paroles me furent dites. Voici le divin purgatoire de mon amour, où il te faut purifier le temps de cette vie purgative. Puis je t'y ferai trouver un séjour de lumière, et ensuite d'union et de transformation. Les jours se succèdent, et le Sauveur semble oublier toutes les distances qui séparent le Créateur de sa créature. La sainte s'en exprime ainsi. « J'ai été mise en un séjour de gloire et de lumière, où moi, chétif néant, ai été comblée de tant de faveurs qu'une heure de cette jouissance est suffisante pour récompenser les tourments de tous les martyrs. » Alors, écrivant encore sous le souffle de l'Esprit-Saint, elle a un passage admirable. « Il épousa mon âme en l'excès de sa charité, mais d'une manière et union inexplicable, changeant mon cœur en une flamme de feu dévorant de son pur amour, afin qu'il consume tous les amours terrestres qui s'en approcheraient, me faisant entendre que, m'ayant toute destinée à rendre un continuel hommage à son état d'hostie et de victime au Très-Saint Sacrement, je devais en ces mêmes qualités lui immoler continuellement mon être par amour d'adoration, d'anéantissement et de conformité à la vie de mort qu'il a dans la Sainte Eucharistie. C'est son Jésus caché sous l'adorable hostie qu'elle prend pour modèle dans toutes ses actions et principalement dans la pratique des trois vœux de religion. Comme j'allais à la Sainte Communion, il me fit entendre qu'il venait lui-même imprimer dans mon cœur la sainte vie qu'il mène en l'Eucharistie, vie toute cachée et anéantie aux yeux des hommes, vie de mort, de sacrifice, et qu'il me donnerait la force de faire ce qu'il désirait de moi. On sent que son âme entre dans une phase nouvelle de vie immolée intense. Peut-être fut-ce pendant cette même retraite que la Sainte Vierge lui apparut, tenant son doux enfant Jésus. Elle le lui remit entre les bras, disant « Voilà celui qui vient t'apprendre ce qu'il faut que tu fasses. » Pressé d'un désir extrême de caresser le divin enfant, il me laissa faire tant que je voulus, écrit-elle naïvement. Et m'étant lassée à n'en pouvoir plus, il me dit « Es-tu contente maintenant ?»« Que ceci te serve pour toujours, car je veux que tu sois abandonnée à ma puissance, comme tu as vu que j'ai fait. Soit que je te caresse ou que je te tourmente, tu ne dois avoir de mouvement que ceux que je te donnerai. » Sur la fin de l'année 1684, la maîtresse des novices tomba dangereusement malade. Il fallait songer à la remplacer. La mère Melun n'eut sans doute pas beaucoup à réfléchir pour fixer son choix sur la servante de Dieu. En voici une des raisons. Dans sa déposition au procès de 1715, la sœur Péronne Rosalie de Farges nous apprend qu'elle était charmée d'entendre la sœur à la coque parler de Dieu et de l'estime qu'on doit avoir de l'obéissance. Et elle ajoute « C'est cette haute idée que la déposante et d'autres ses compagnes avaient pour la vénérable sœur qui les obligea à supplier la supérieure de la leur donner pour être leur maîtresse, afin que par son exemple, elles puissent apprendre à avancer dans la perfection dans l'état qu'elles embrassaient. » Il y avait donc maintenant dans la communauté un courant de vénération qui se portait vers la sœur à la coque, et ce courant commençait à entraîner irrésistiblement les âmes à elle, ou plutôt par elle au cœur de Jésus. Tout n'était pas fait, il avait fallu du temps et il en faudrait encore. Mais qu'importe le temps à celui qui dispose de l'éternité et qui, malgré les apparences contraires, sait tout conduire à ses fins. Le 31 décembre 1684, sœur Marguerite Marie devint donc la maîtresse des novices du monastère de Paray-le-Monial. Dans toute communauté religieuse, un noviciat est un petit cénacle, mieux encore, un laboratoire sacré où les âmes doivent se laisser façonner, se dépouillant d'abord du vieil homme pour se revêtir du nouveau. La loi de la transformation est la loi quotidienne des novices, mais celles qui les dirigent doivent ne jamais perdre de vue que c'est là une œuvre progressive qui s'ébauche au jour du noviciat pour aller se perfectionnant jusqu'à la profession éternelle. Il faut donc de l'expérience, de la prudence, de la discrétion, une intelligence pratique de la règle. Il faut de la charité, de la bonté pour enfanter ainsi les âmes à notre Seigneur. Saint François de Sales dit dans ses constitutions que la directrice doit être la douceur, sagesse et dévotion même. Toutes ces qualités, la sœur à la coque les possédait, et de plus dans sa personne, elles avaient pour couronnement une sainteté extraordinaire. Aussi cette humble religieuse fut-elle une parfaite directrice. Il n'en pouvait être autrement, puisqu'elle avait pris pour base de son action sur les âmes, de ne leur donner que ce qu'elle recevrait elle-même du cœur de Jésus. Et de fait, pendant tout le temps qu'elle fut directrice, on peut dire qu'il n'y eut pas d'autre maître des novices au monastère de Paray que le Sacré-Cœur. Au moment où sa disciple privilégiée en recevait la garde, le noviciat était ainsi composé. Plusieurs sœurs avaient déjà prononcé leurs vœux. Sœur Françoise Rosalie Verchères, le 12 décembre 1683. Sœur Péronne Marguerite Verchères, le 11 mai 1684. Sœur Péronne Rosalie Marc de Farges, le 16 juillet 1684. Sœur Marie-Françoise Boucault était encore novice et allait faire profession le 4 mars 1685, tandis qu'une postulante, Mademoiselle Boutier, allait prendre le Saint-Habit le 11 février 1685 et devenir Sœur Marie-Christine. Un peu plus tard, une angélique enfant viendra, comme une fleur d'innocence, s'épanouir auprès de Marguerite Marie. Ce sera sœur Marie-Nicole de la Fège des Clènes, qui recevra l'habit religieux le 12 mai 1686 et qu'elle aimera de prédilection. Elle ne l'appelait que son petit Louis de Gonzague à cause de sa ferveur et sa modestie. À celle-là seulement, elle prédira la supériorité en ce monastère de Paray. Et ce sera en effet la seule parmi ses enfants qui sera dans la suite appelée à cette charge. En attendant, ses novices paraissent si heureuses et racontent tant de choses de la vertu de leur maîtresse et de sa pénétration dans les âmes, que le feu gagne de proche en proche. La nièce du père Antoine Billet, jésuite, et du docteur Guillaume Billet, médecin de la communauté, le plus fameux de la province, sœur Claude Marguerite Billet, demanda en grâce de retourner au noviciat sous cette sainte directrice avec laquelle elle s'était liée d'amitié. Cette faveur lui fut accordée. Sœur Anne-Alexis Guinet de Maréchal, ancienne petite calviniste convertie, venait donner des leçons de chant aux novices, tandis que la servante de Dieu était leur maîtresse, et son bonheur était de pratiquer tous les exercices et même ceux de surérogation de la sainte invention de la digne maîtresse. Pouvait-elle oublier tout ce qu'elle lui devait alors que récemment gagnée à la foi catholique et réfugiée au monastère et s'était vue l'objet des spéciales exhortations de la sœur à la coque? Il faut lire les avis qu'elle donne à ces jeunes âmes pour comprendre le genre de spiritualité de notre sainte. Elle a véritablement une doctrine et ce qu'elle enseigne après l'avoir elle-même pratiquée, c'est la plus pure vie religieuse, la vraie, la grande, celle qui, naissant de l'amour de Dieu, se nourrit de sacrifices, d'abnégation et d'humilité pour se perdre de nouveau dans cet amour souverain. Elle disait sans détour à ses disciples que les âmes lâches n'étaient guère propres à la religion, parce que c'est une vie de combat et qu'il faut une grande fermeté pour vaincre les difficultés qui s'y rencontrent. Monseigneur Languet écrit sans restriction. Jamais noviciat ne fut plus animé de l'esprit de ferveur et de sainteté. Jamais on ne vit plus de cet esprit de simplicité, de charité, d'obéissance qui fait le propre caractère de l'ordre de la visitation. C'est par cette sainte maîtresse que cette maison se renouvela et devint, dans la suite, une des plus ferventes de tout l'ordre. Le grand fond qu'elle cherchait à établir dans ses novices, c'était une parfaite adhérence à la volonté de Dieu. Elle voulait que cette divine volonté fût la règle de toutes leurs actions, par conséquent que leur obéissance fût aveugle, et qu'elles vécussent dans un complet dénuement de toutes choses, allant à Dieu avec un cœur dégagé de la bagatelle. Une de ses maximes était que le renoncement de soi-même vaut mieux que toutes les dévotions de notre choix. Ce qu'elle leur souhaitait le plus, c'était d'être des filles de raison, c'est-à-dire des filles de recueillement et de silence, ajoutant qu'une religieuse de Sainte-Marie qui n'aime pas l'oraison est un soldat sans armes, et que, pour arriver à l'union divine, il fallait résolument entreprendre la destruction de soi-même par une généreuse, constante et fidèle mortification. À l'une, elle dira en particulier « La souffrance et la jouissance doivent être également aimables à un cœur qui veut tout de bon être à Dieu et n'aimer que lui et son bon plaisir. Ne tenez-vous plus à vous-même, ma chère amie. Notre amour propre est si fin qu'il nous fait croire quelquefois que c'est Dieu que nous cherchons, en nous attachant trop aux choses mêmes de son service qui nous causent du trouble lorsqu'il les faut quitter. C'est parce que nous cherchions notre propre satisfaction plus que Dieu, car un cœur qui ne veut que lui le trouve partout. Et comme votre seul but en vous faisant religieuse a été de vous rendre tout à Jésus-Christ, aussi faut-il qu'il vous soit tout en toutes choses. » Et à une autre, « Voyez, mon enfant, si vous vous amusez à disputer ainsi avec la grâce en ne lui donnant pas ce qu'elle vous demande, cela sera de vous et vous abandonnera à vous-même. Et quoi ? Est-ce si grand chose que l'amitié d'une créature, que vous aimiez mieux perdre les bonnes grâces du Sacré-Cœur de notre Seigneur, que de rompre l'attache d'une inclination naturelle ? Si habilement et surtout si saintement prend-elle de l'empire sur toutes ces natures, parfois bien différentes les unes des autres, que la sœur Péronne Marguerite Verchères, qui n'était pas beaucoup faite aux exercices du cloître dans ce temps-là, disait à ses compagnes « Elle nous rendra dévotes, malgré que nous en ayons. » Ce qui corroborait tous ses enseignements avec une invisible force, c'était son exemple. Quelle édification de l'avoir si douce envers la souffrance. Au commencement du carême de 1685, elle fut atteinte d'un douloureux mal à un doigt. « Il fallut le fendre avec le rasoir jusqu'à l'os », écrit-elle à la mère de Sommaise. « Mais le Seigneur soit béni. » Bientôt, elle allait avoir sujet de redire cette même exclamation, mais dans une toute autre circonstance, incomparablement consolante cette fois. La bouche parle de l'abondance du cœur. Sœur Marguerite Marie entretenait souvent ses novices du cœur sacré de Jésus. C'était avec de tels accents que ces jeunes âmes en demeuraient comme toutes ravies. Le terrain était prêt, le grain béni de la dévotion au Sacré-Cœur pouvait germer. Depuis le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, auquel on s'était préparé par un défi, que l'on pourrait appeler la journée passée dans le cœur de Jésus, résidente au Saint-Sacrement, la Sainte Maîtresse avait attaché à l'autel du noviciat un crayon fait avec de l'encre et représentant le cœur adorable de Jésus. Le jour de Sainte Marguerite approchant et tombant un vendredi, Sœur à la coque invita ses novices à dédier au cœur sacré de Jésus tous les petits honneurs qu'elles avaient dessein de lui rendre à elle-même, à l'occasion de sa fête, pensées qu'elles accueillirent toutes avec joie. Quelques fragments d'une feuille manuscrite contemporaine de l'événement doivent être cités. Rien ne vaut la charmante naïveté de tels récits. Nous nous levâmes à minuit et fîmes un autel où nous attachâmes ce crayon, avec tous les ornements que nous avions à notre disposition, ayant été faire le réfectoire pour avoir la pré-prime libre. Mais comme nous ne le fîmes pas avec assez de tranquillité, nous nous attirâmes la correction de notre mère Melun, que l'on obligea de nous venir trouver à la demi-heure du réveil, à qui nous dîmes nos raisons dont elle demeura contente. Après prime, notre bonne maîtresse étant venue à l'ordinaire au noviciat, elle nous lut une consécration qu'elle avait composée à l'honneur de ce divin cœur, et parut fort contente de notre autel, et nous invita à écrire chacune notre consécration, et qu'elle y ajouterait un mot de sa main selon nos dispositions. Nous ne manquâmes pas à suivre ses ordres, ajoute la narratrice, qui était certainement une des novices d'alors. Nous sommes à une aurore. Il ne faut pas s'étonner que tout soit si candide et si simple. Toute cette journée se passa ainsi en louanges et bénédictions, données au cœur très humble et très doux de Jésus. En voyant sœur Marguerite Marie au milieu de ses enfants, on eût dit un séraphin. Les âmes du purgatoire ne furent pas oubliées, et selon une dévotion chère à notre sainte, elle mena ses novices au lieu de la sépulture, leur faisant réciter quantité de prières pour les bien-aimés défuntes. Le soir, elle dit à son petit troupeau, « Vous ne pouviez, mes chères sœurs, me faire un plaisir plus sensible que d'avoir rendu vos hommages à ce divin cœur en vous consacrant toutes à lui. Que vous êtes heureuses de ce qui s'est bien voulu servir de vous pour donner commencement à cette dévotion. Il faut continuer de prier afin qu'il règne dans tous les cœurs. Oh, quelle joie pour moi que le cœur adorable de mon divin maître soit connu, aimé et glorifié. Oui, mes chères sœurs, c'est la plus grande consolation que je puisse avoir en ma vie. Rien n'étant capable de me faire plus de plaisir que de le voir régner. Aimons-le donc, mais aimons-le sans réserve, sans exception. Donnons tout et sacrifions tout pour avoir ce bonheur. Et nous aurons tout en possédant le divin cœur de Jésus, qui veut être toute chose au cœur qu'il aime. Mais ce ne sera qu'en souffrant pour lui. » Ce 20 juillet 1685 avait bien été un jour du ciel. Mais comme il se passa sur la terre, il fallait qu'une goutte d'amertume y fût mêlée. Dans son ardent désir de conquérir tous les cœurs au cœur de Jésus, la sœur à la coque avait fait inviter plusieurs sœurs anciennes, sur la vertu et piété de qui elles comptaient, à venir au noviciat rendre leurs hommages au cœur sacré. Mais comme c'était des filles d'observance, à la première proposition qui leur en fut faite, elles la renvoyèrent bien loin, disant à la jeune professe, porteuse du message, que ce n'était pas à leur maîtresse et encore moins à de petites novices, à établir des nouveautés et des règles dans les règles mêmes, citant ces paroles de la Constitution 18, que l'on ne se chargera point de prière ou office, sous quelque prétexte que ce soit. Sœur Marie-Madeleine des Escures, qui était intime amie de cette incomparable directrice, osa même ajouter, « Allez dire à votre maîtresse que la bonne dévotion est la pratique de nos règles et constitutions, et que c'est ce qu'elle doit vous enseigner, et vous autres, bien pratiquer. » La novice chargée de cette invitation, sœur Françoise Rosalie Verchère, n'eut pas le courage de rapporter la réponse telle que, à sa vénérée maîtresse. Elle se contenta de dire que quelques-unes ne pouvaient pas venir. Alors, d'un ton ferme, mais avec son air tranquille et rabaissé, sœur Marguerite Marie reprit. « Dites mieux, c'est qu'elles ne le veulent pas. Mais le Sacré-Cœur les y fera bien rendre. Il veut tout par amour et rien par force. Ainsi, il faut attendre le temps qu'il a destiné. » Cependant, ce qui s'était passé au noviciat avait fait du bruit dans la communauté, parmi laquelle un orage nouveau éclata. Cette fois, c'était au nom même de la règle qu'il s'élevait. Allait-on supporter, dans un monastère qui tenait avant tout à l'observance, allait-on tolérer une innovation semblable? Quel point d'interrogation! Et que de fois dut-il retentir aux oreilles de la mère Melun, dans les jours qui suivirent celui de la sainte Marguerite, 1685. Il s'agissait de pacifier les esprits. La mère Marie-Christine s'y essaya, commençant par défendre à la directrice tout ce qui paraissait aux yeux de la communauté, lui permettant seulement de continuer ses petites dévotions au noviciat. Se soumettre n'était pas difficile à Marguerite Marie. « Mais je ne craignais rien tant, dit-elle, sinon que ce divin cœur n'en fût déshonoré, car tout ce que j'en entendais dire m'était autant de glaives qui me transperçaient le cœur. » Dans son affliction, à qui s'adressait, sinon à elle-même? Aussi soutenait-elle son courage abattu, lui disant sans cesse « Ne crains rien, je régnerai malgré mes ennemis et tous ceux qui s'y voudront opposer. Ce qui me consola beaucoup, puisque je ne désirais que de le voir régner. Je lui remis donc le soin de défendre sa cause, et cependant que je souffrirais en silence. La mère Melun avait cru en outre devoir retirer à la servante de Dieu la communion des premiers vendredis du mois, qu'elle faisait par ordre de son divin maître. Il s'en montra mécontent et le prouva bientôt. Sœur Françoise Rosalie Verchère tomba si dangereusement malade qu'en peu de jours on désespéra de sa vie. Comme la maîtresse priait pour la guérison de sa novice, notre Seigneur lui fit connaître que cette sœur souffrirait jusqu'à ce qu'on lui ait rendu à elle-même la communion des premiers vendredis. On devine la perplexité qui s'empare de nouveau de cette âme. Que faire? Que dire? Elle ne pouvait aller contre la volonté de sa supérieure. Elle ne pouvait pas davantage se dérober aux sollicitations de notre Seigneur, qui la chargeait de faire savoir à la mère Melun combien elle lui avait déplu. Se sentant incapable de décider le parti qu'il convenait de prendre, la sœur à la coque demande humblement conseil. À qui? À celle-là même qu'elle savait bien lui être opposée quant à la nouvelle dévotion, mais qui lui était connue pour sa droiture de jugement et sa parfaite discrétion, sœur Marie-Madeleine des Escures. Le billet débutait par ces mots. C'est dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur que je vous écris ceci, ma chère sœur, puisqu'il le veut ainsi. Ensuite venait l'exposé de toute la situation et le message de notre Seigneur pour la mère Melun. Dis à ta supérieure qu'elle m'a fait un si grand déplaisir de ce que, pour plaire à la créature, elle n'a point eu crainte de me fâcher en te retranchant la communion que je t'avais ordonnée de faire tous les premiers vendredis de chaque mois. La sainte directrice terminait en suppliant sœur Marie-Madeleine de l'éclairer. Demandez-lui qu'il vous fasse connaître la vérité et ce qu'il veut que vous me répondiez, après quoi je tâcherai de n'y plus penser. La réponse de la sœur des Escures fut tout ce qu'il y a de plus clair. Sœur Marguerite Marie devait s'expliquer de tout à la supérieure, malgré la répugnance bien légitime qu'elle avait à manifester de telles choses. La mère Melun n'hésita pas à rendre la communion à la maîtresse, pourvu qu'elle demandât la guérison de la malade qui subitement parut hors de danger. Cependant, par un malentendu qui serait inexplicable s'il n'eût été permis pour établir mieux encore la vérité des communications surnaturelles de la sœur à la coque, où la supérieure oublia de lui donner une permission générale précise, où l'humble sœur pensa qu'il lui en fallait une seconde, elle n'osa pas demander. Toujours est-il qu'elle ne se crut pas en droit d'appliquer la première permission au premier vendredi qui suivirent. Et en attendant, la sœur Verchère demeurait toute languissante. Et notre Seigneur disait nettement à sœur Marguerite Marie que la pauvre enfant ne guérirait pas, qu'elle-même n'eût positivement repris la communion qu'il lui avait prescrite. Cela dura 5 ou 6 mois. Enfin, la chère sainte, malgré sa confusion, alla tout avouer de nouveau à la mère Melun, qui lui accorda très volontiers la communion de tous les premiers vendredis du mois. Aussitôt, la jeune malade fut parfaitement rétablie. Toutes ces choses ne purent manquer de transpirer au dehors. La vénération des novices pour leur maîtresse allait croissant tous les jours, surtout depuis qu'un événement fortuit avait publiquement révélé l'éminente sainteté de cette amie du Seigneur. Il avait bien fallu que la Providence s'en mêlât, et personne n'eût soupçonné au monastère comment cette intervention allait se produire. Depuis peu, la retraite spirituelle du révérend père de la Colombière avait été imprimée. Il dut y avoir fête dans bien des âmes de la visitation de Paray, lorsqu'on commença à lire au réfectoire ces pages pénétrantes. Qui donc aurait pu penser qu'en un sens, il y aurait eu à se méfier de ce livre? Grâce à Dieu, on ne s'en méfia nullement et les religieuses en écoutèrent la lecture avec une édification profonde. Mais voici que tout d'un coup, il n'y a plus à s'y méprendre. Tout ce que le Père rapporte d'une personne à laquelle Dieu se communique fort confidemment, la vision admirable dont elle est honorée devant le Saint-Sacrement un jour de son octave, les demandes précises que le cœur sacré de Jésus fait à cette âme et qu'elle transmet au Père lui-même, les prédictions qu'elle lui fait qui se réalisent. Tout cela, c'est quelque chose de divin qui s'est passé dans l'église même du couvent et dans le monastère. Cette personne, cette âme, c'est sœur Marguerite Marie à la coque. Elle n'est non pas une tête malade ou une illuminée. Le père de la Colombière, ce grand directeur, a eu le secret de tout et il a reconnu la vérité de tout. Il ressuscite, pour ainsi dire, dans son livre, pour en assurer péremptoirement toutes les religieuses. Quelle révélation inattendue! Au réfectoire, la règle prescrit de baisser les yeux. Mais un mouvement plus fort qu'elle porte la sœur de Farge à regarder sœur Marguerite Marie. Son air de profond anéantissement la frappe et achève de lui tout confirmer. Arrivée en récréation au sortir du réfectoire, elle l'aborde et lui dit sans autre préambule. « Ma chère sœur, vous avez bien eu votre compte aujourd'hui à la lecture, et le révérend père de la Colombière ne pouvait pas mieux vous désigner. » À quoi lui répondit qu'elle avait bien lieu d'aimer son abjection. Le démon qui avait entrepris de nuire partout à cette grande élue de Dieu n'oublia rien pour la faire sortir du noviciat. Mais le jour de Noël 1685, notre Seigneur lui montra qu'il la voulait maintenir en sa charge de directrice, lui faisant voir ses novices comme de petits agneaux et lui disant assis qu'à Saint-Pierre, « Paissez mes agneaux ». Elle comprit par là qu'il la destinait à les conduire encore l'année suivante pour les affermir davantage dans la dévotion au Sacré-Cœur. Elle s'y soumit. Les novices se portaient avec une ardeur toujours plus grande vers ce cœur adorable. Dans la communauté, quelques âmes les enviaient tout bas et succombaient parfois à la douce tentation d'aller s'associer à leur bonheur. C'est du moins ce que donnent à entendre les contemporaines lorsqu'elles avouent ingénument que la sainte ne pouvait parler d'autre chose que de cette dévotion parmi les novices et avec quelques autres qui venaient en secret comme le disciple du Seigneur pour profiter des célestes entretiens de la sœur à la coque. Elles s'unissaient ensemble pour demander à Dieu l'établissement de la dévotion de son Sacré-Cœur. Ce mot est suggestif. La communauté de Semur, grâce à l'impulsion donnée par la mère greffier d'abord, puis par la lecture de la retraite du père de la Colombière, était toute gagnée à ce cœur divin. On en avait fait faire un tableau, et au commencement de janvier 1686, la mère Péronne Rosalie en avait envoyé le dessin en miniature à sa chère ancienne fille, avec une douzaine de petites images pour en faire les étrennes aux novices et à celles qui se joignaient à elle. La supérieure de ce mur les nomme toutes. Il y en avait une pour ma sœur de Champron, votre prétendante. Cette jeune fille devait, dans les desseins de Dieu, être la cause et l'occasion d'une formidable persécution qui vint bientôt assaillir la sainte maîtresse. Mademoiselle de Champron était entrée au noviciat parce que messieurs ses parents souhaitaient qu'elle s'engageât séant. L'appel n'était donc pas d'en haut. Et la directrice ne fut pas longtemps à s'apercevoir que la postulante n'avait aucune vocation pour embrasser la règle de la visitation. Elle n'en déploya que mieux toutes les ressources de sa bonté envers cette jeune âme. Néanmoins, sa conscience lui interdit de laisser admettre au monastère un sujet que Dieu n'y veut pas. Elle n'omet rien pour porter la postulante à se déclarer à ses parents, et Mademoiselle de Champron, connaissant leurs intentions, n'ose s'ouvrir à eux. Les choses ne peuvent pourtant durer ainsi. La mère Melun, obligée d'agiter la question avec son conseil, se heurte à de terribles obstacles. Cette demoiselle de qualité, alliée à tout ce qu'il y avait de grand dans la province et dans la communauté, chacune soupçonne que c'est la sœur à la coque qui veut la faire renvoyer. Et on se met peu en peine d'examiner le motif tout surnaturel qui fait agir l'humble maîtresse. Alors c'est un nouveau déchaînement contre elle. La tempête franchit les grilles. Au dehors, la rumeur s'envenime d'autant plus que les grands du monde ne sont pas seuls à blâmer la directrice. Dieu permet que deux religieux de haute réputation se fassent comme un devoir de la censurer ouvertement. Un surtout n'oublia rien pour la décrier. On ne parlait plus d'elle dans les compagnies que comme d'une hypocrite, une visionnaire entêtée, une personne d'une vertu pleine de grimaces et d'illusions. On la menaça de la prison et de la faire comparaître devant un prince de la terre comme un jouet de moquerie. Faut-il l'avouer? Parfois, quelques-uns de ces mêmes propos circulaient en récréation et revenaient aux oreilles de sœur Marguerite Marie. Mais c'était alors comme un soulagement pour son âme de se voir ainsi avilie aux yeux de toutes, elle qui, sincèrement, se nommait un néant criminel. Au plus fort d'une telle persécution, elle resta toujours la même. Ou plutôt, d'heure en heure, elle grandissait encore dans son amour de la croix et son union à Jésus-Christ, rassasiée d'opprobre. Cependant, la Providence arrange tout. La fameuse postulante sans vocation avait alors au monastère deux sœurs, élevées au petit habit. Anne, qui devint sœur Marie-Joseph, comprenant la délicate situation, prit sur elle de demander la sortie de sa sœur à ses parents, s'exposant ainsi à mille petits chagrins pour faire plaisir à la communauté. Cette sortie eut en effet tant d'éclat au dehors et causa de telles misères au-dedans que la mère Melun, fort embarrassée au milieu de tout ce conflit, inclina du côté où elle savait ne rencontrer aucune résistance. En conséquence, elle imposa une pénitence à la maîtresse, avec ordre de demander pardon à Mademoiselle de Champron, pour contenter et adoucir la peine que les parents témoignaient à voir de la sortie de la dite demoiselle. Se mettant à genoux à ses pieds, la servante de Dieu accomplit cette action aussi humblement que simplement. Le Seigneur se souciait fort peu, sans doute, de contenter les hautaines exigences de ces puissants du siècle qui se croyaient offensés. mais il se souciait beaucoup d'ajouter un fleuron exquis à la couronne d'humilité de notre sainte. La persécution ne fut pas éteinte par le fait même du départ de la postulante. Longtemps encore après, la directrice continue à être le sujet de si noires calomnies que ses novices s'en indignent. Pour arrêter ce torrent qui menace de déborder, elle saura bien rompre le silence qu'elle a si héroïquement gardé. Elle parle, ou plutôt elle écrit, et à l'approche de la fête de l'invention de la Sainte Croix, en 1686, elle trace des lignes qui resteront à jamais comme un monument de la vertu de cette amante passionnée des mépris. Vive Jésus, mes très chères et bien-aimées sœurs dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux vous exprimer la douleur que je sens du mauvais usage que nous faisons d'une si précieuse occasion pour lui donner des preuves. Si faute d'y avoir été appelée par Dieu lui-même, Mademoiselle de Champron ne persévéra pas à la visitation. Elle entra cependant l'abbaye de Sainte-Colombe et y fut une très sainte religieuse. D'ailleurs, trois de ses sœurs, gratifiées d'une véritable vocation pour le genre de vie qu'elle-même avait dû quitter, firent profession au monastère de Paray. Sœur Marie-Joseph et Sœur Madeleine Victoire, le 30 octobre 1688, et sœurs Françoise et Léonore, le 18 juin 1690. Le comte de Vichy, Champron, ne pouvait donc se plaindre de la communauté. Vive Jésus! Mes très chères et bien-aimées sœurs dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne peux vous exprimer la douleur que je sens du mauvais usage que nous faisons d'une si précieuse occasion pour lui donner des preuves de notre amour et fidélité. C'est lui-même qui a permis l'invention de cette croix pour nous préparer à sa fête. Et au lieu de l'embrasser amoureusement, nous ne cherchons qu'à la secouer et nous en défaire. Et n'en pouvant venir à bout, nous y commettons mille offenses qui remplissent ce divin cœur de douleur et d'amertume contre nous. D'où vient cela, sinon du trop d'amour que nous avons pour nous-mêmes, qui nous fait craindre de perdre notre réputation et la bonne estime que nous désirons que les créatures aient de nous. Mais croyez-moi, mes chères sœurs, les âmes humbles sont bien éloignées de ces pensées, se croyant toujours plus coupables qu'on ne les fait paraître en les accusant. Ici, la sainte maîtresse insiste sur la nécessité de profiter des occasions d'humiliation et contradiction, et elle prescrit à ses enfants des pratiques de pénitence, avec défense formelle de parler entre elles de toute cette affaire. Si ces novices ne sont pas fidèles à ce qu'elle leur recommande au nom du Sacré-Cœur, je le prierai moi-même de s'en venger, leur dit-elle. Si je ne vous aimais pas autant que je le fais, je ne sentirais pas tant de douleur de vos fautes qui blessent si sensiblement ce Sacré-Cœur. C'est ce qui me désole, ayant si à cœur votre perfection, qu'il n'y a rien que je ne voulusse faire et souffrir, ôter le péché pour votre avancement au saint amour. Adieu, mais tout adieu, mes bons enfants, portez la croix joyeusement et courageusement, car autrement vous en rendrez compte très rigoureusement. Cependant, à cette heure d'angoisse et de souffrance, sœur Marguerite Marie avait besoin qu'une parole autorisée la rassurât, d'autant que l'ennemi avait alors beau jeu pour chercher à lui persuader qu'elle était trompée et trompait les autres. Depuis quelque temps, Dieu avait placé auprès d'elle comme directeur un religieux auquel on devra une éternelle reconnaissance pour avoir ordonné à cette âme privilégiée d'écrire le détail des grâces extraordinaires qu'elle avait reçues de notre Seigneur. Sans le père Ignace Rollin, jésuite, nous ne posséderions pas l'autobiographie de la Vierge de Paray. S'il faut en croire les contemporaines, ce révérend père aurait été d'abord fort prévenu contre la servante de Dieu, mais il changea bien de sentiment dès la première fois qu'il la vit, et à la seconde il comprit que c'était une âme particulièrement favorisée de notre Seigneur, lequel voulait se servir de lui pour la faire arriver à la perfection du divin amour. Après qu'il eut entendu la confession générale de toute sa vie, qu'elle lui fit en l'une de ses retraites, il fut longtemps à délibérer s'il ne lui ordonnerait point de l'écrire et de la conserver dans l'espérance, disait-il, qu'on pourrait un jour, après la mort de sœur Marguerite Marie, connaître l'extrême pureté de cette fidèle épouse de Jésus-Christ et juger jusqu'où peut aller l'innocence, la délicatesse et la sublime sainteté d'une âme que Dieu a gouvernée et honorée de ses plus grandes grâces dès le berceau. À en juger par les conseils que le père Rollin donne à la maîtresse des novices de Paray, il est aisé de voir qu'il n'allait chercher qu'en Dieu les lumières dont il avait besoin pour la conduire. quelle force et quelle sagesse dans les lignes suivantes, lorsqu'on les rapproche de tout ce que nous venons de dire. Ma très chère sœur en notre Seigneur, peut-être que je ne vous donnerai aucune raison des réponses que je ferai à vos propositions. Je ne le juge pas à propos et je pense que vous aurez assez de soumission pour vous bien soumettre à tout ce que je crois que Dieu me va faire écrire. L'esprit qui vous conduit n'est point un esprit de ténèbres. Sa conduite est bonne, puisqu'elle est soumise toujours à l'obéissance et qu'il vous laisse en repos quand votre supérieur a parlé. Voici mes pensées devant notre Seigneur. Ce ne sont point les démons qui sont déchaînés contre vous. Ces esprits de ténèbres n'ont point de part à toutes vos persécutions. C'est l'amour divin qui fait agir. Et, ce qui me console, il se sert des âmes qui lui sont les plus chères pour vous faire souffrir. Les martyrs n'avaient pas cette consolation dans leurs tourments. Leurs tyrans commettaient de si grands crimes en les affligeant. Mais les âmes saintes qui vous procurent des croix plaisent à Dieu dans le petit martyr qu'elles vous font souffrir. Cette pensée vous doit bien consoler. J'agrée que vous attribuiez à vos fautes tout ce qui arrive, quoique toutes ces choses soient plutôt un effet de la bonté de Dieu que de sa justice. Tous ces noms qu'on vous donne, qui sont si humiliants, ne doivent faire sortir de votre bouche que des remerciements à notre Seigneur et des prières pour ceux qui les profèrent. Ne vous repentez de rien de ce que vous avez dit. Une cause qui produit de si bonnes croix ne saurait être mauvaise. Laissez faire toutes les plaintes que l'on voudra. Ne craignez pas pour moi. Le Saint-Père la Colombière est mon garant. Quand tout ce qu'on dit contre vous se dira à tout le monde, ce ne serait qu'une plus grande grâce que notre Seigneur vous ferait. Ainsi qu'on informe qui que ce soit, vous devez vous en réjouir. Ainsi, démission, prison, tout est amour de Jésus-Christ pour vous. Je demande de vous l'abandon et un cœur prêt à tout faire et à tout souffrir. Je vous réitérerai ce que j'ai déjà dit. Vous n'êtes point le jouet de Satan, mais de l'amour divin, car c'est assez le langage de l'Écriture, que l'amour sacré n'est pas moins rigoureux que le profane, soit qu'il ait pris naissance sur le calvaire, soit qu'il ait emprunté cette humeur de la justice divine, qu'il veut contenter à nos dépens. Le triomphe du Sacré-Cœur pouvait-il s'acheter trop cher? Si les douleurs de la servante de Dieu avaient été extrêmes dans la première partie de cette année 1686, c'est qu'on était à la veille de ce triomphe dans la communauté de Paray. Le jeudi 20 juin, dernier jour de l'octave du Saint-Sacrement, la sœur des Escures vient demander à la Sainte Directrice la miniature du Sacré-Cœur que la mère greffier lui avait envoyée, disant qu'elle en voulait faire un petit autel au cœur pour inviter les sœurs à cette dévotion. Sœur Alacoque fut charmée de cette proposition, mais dissimula sa surprise, se contentant de prier et faire prier pour que l'entreprise fût heureuse. Elle savait que Dieu a ses heures et elle attendit. Le lendemain, vendredi, jour désigné par notre Seigneur lui-même pour la fête qu'il voulait en honneur de son divin cœur, la sœur des Escures, que la grâce vient de transformer, dressa devant la grille du cœur un petit autel formé d'une chaise où elle mit un tapis fort propre. La miniature était dans un cadre doré entouré de fleurs. Le premier objet qui frappa tous les regards à mesure que les sœurs entraient, ce fut donc l'image du cœur de Jésus. On s'en approche et l'étonnement fait place à l'admiration quand les religieuses lisent un billet écrit de la main même de la sœur des Escures, invitant toutes les épouses du Seigneur à venir rendre leurs hommages à son cœur adorable. C'était signer elle-même la rétractation de toutes ses oppositions précédentes et s'en venger glorieusement. La première dans le mouvement de l'opposition, sœur Marie-Madeleine, voulait être la première dans le mouvement de l'adoration. En un moment, tout change de face au monastère. Il n'y a plus qu'un cœur et qu'une âme, parce que le cœur de Jésus y est acclamé. Le jour même, on projette de faire faire un tableau représentant ce divin cœur. Et toutes celles qui pensent pouvoir obtenir quelque chose de messieurs leurs parents pour y contribuer, sont engagés à les solliciter tant l'empressement est général. C'est ici l'œuvre du Seigneur, disaient toutes ces âmes droites, qui s'admiraient dans ce changement si prompt. Elles ajoutaient que Dieu était véritablement le maître des cœurs, et qu'il vérifiait ce que notre vénérable sœur avait dit souvent, que le cœur de Jésus régnerait malgré ses ennemis. La mère Melun, inspirée d'en haut, jugea qu'il fallait d'abord ériger une chapelle en honneur du Sacré-Cœur, avant de faire peindre un tableau. Les sœurs du petit habit prirent aussitôt sur leur menu plaisir et donnèrent quelque argent pour être le denier à Dieu de la bâtisse de la chapelle. Si on regretta jamais la pauvreté dans le couvent, ce fut sans doute ce jour-là. Mais le travail est un trésor. Les sœurs du voile blanc surl'exploitaient. Animées par la chère sœur Marie-Lazare d'Usson qui aimait tant la sœur à la coque, et avait eu le matin même une telle joie à seconder la sœur des Escures dans ses préparatifs secrets, elles cultivèrent leur jardin avec une si persévérante ardeur qu'elles eurent bientôt réalisé une somme assez considérable en vue de contribuer à cette bénite entreprise. Les annales du monastère notent que, du propre aveu de ces bonnes sœurs, le dit jardin rapporta au double cette année-là. Au soir du 21 juin 1686, ce n'était pas trop du te deum pour traduire la joie qui débordait de tous les cœurs. Sœur Marguerite Marie le fit dire à ses novices. « Je n'ai plus rien à souhaiter, leur confie-t-elle. Je ne désire plus rien, puisque le Sacré-Cœur est connu et qu'il commence à régner sur les cœurs. Faites en sorte, mes chères sœurs, qu'il règne à jamais dans les vôtres, comme souverain maître et époux. » Tant de sentiments divers se pressent dans le cœur de la sainte qu'ils doivent trouver plusieurs issues. Elle prend la plume. Elle remercie d'abord avec une touchante effusion la sœur des Escures, et c'est à elle qu'elle écrit ce mot profond. Il me semble que le grand désir que notre Seigneur a que son Sacré-Cœur soit honoré, par quelque hommage particulier, est afin de renouveler dans les âmes les effets de sa rédemption, en faisant de ce Sacré-Cœur comme un second médiateur en vertu pour les hommes. Et, parlant des dangers que courait l'Institut de la Visitation sous les assauts d'un esprit étranger, esprit d'orgueil et d'ambition, qui cherchait à s'y introduire à la place de celui d'humilité et de simplicité, fondement de tout l'édifice, elle dit « Je vous avoue qu'il me semble que c'est notre saint fondateur qui désire et qui sollicite que cette dévotion s'introduise dans son institut, parce qu'il en connaît les effets. » À la mère greffier, elle adresse une longue lettre dont la première phrase donne bien la note de sa joie surnaturelle. « Je mourrai maintenant contente, puisque le Sacré-Cœur de mon Sauveur commence à être connu. Il me semble que, par sa miséricorde, me voilà presque entièrement éteinte et anéantie d'estime et de réputation dans l'esprit des créatures, ce qui m'en console plus que je ne puis dire. À ce mur, cette chère dévotion prend sans cesse de nouveaux accroissements. Aussi est-ce toujours pour féliciter et non pour stimuler que sœur Marguerite Marie se voit doucement contrainte d'y revenir par ses lettres. De même, à Dijon ou à côté de la mère de Sommez, le Sacré-Cœur vient de se susciter une nouvelle apôtre en la personne de sœur Jeanne-Madeleine Jolie, qui sera la première à composer un petit livret sur la dévotion au Sacré-Cœur. Dès le 4 juillet 1686, la servante de Dieu avait écrit à la mère Louise Henriette de Soudeil à Moulins et lui parlait ouvertement de la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme faisant un grand fruit et changement en tous ceux qui s'y consacrent et adonnent avec ferveur. Mais, ingénieuse à disparaître en tout, elle trace ce mot que l'on ne peut lire sous sa plume sans sourire. Nous avons trouvé cette dévotion dans le livre de la retraite du révérend père La Colombière, que l'on vénère comme un saint. Le 15 septembre, elle écrit de nouveau à la mère de Soudeil et lui envoie le livre de la retraite du révérend père de La Colombière et deux images du Sacré-Cœur, dont une plus grande à mettre au pied de son crucifix ou autre lieu pour l'honorer, et une plus petite pour porter sur elle avec une petite consécration au Sacré-Cœur. Son âme déborde en parlant de ce cœur adorable. Elle dit « C'est la source inépuisable de tout bien qui ne cherche qu'à se répandre et se communiquer. » Cependant, pour arriver à faire faire une planche d'image du Sacré-Cœur, quel mal sœur Marguerite Marie ne se donne-t-elle pas? Toutes ces lettres de cette époque en font foi. Retard, malentendu, déception dans l'entreprise, tout cela lui devient une blessure au cœur. Elle l'accepte pour hâter le règne de ce cœur d'amour. Si l'âme de notre sainte jette tant de flammes au dehors, c'est parce qu'un brasier divin la consume au-dedans. Mais pour autant, elle n'a pas renoncé à sa vie cachée en Dieu avec Jésus-Christ, il s'en faut bien. Plus elle devient apôtre, plus on la voit s'enfoncer à des profondeurs toujours plus inouïes, dans l'anéantissement d'elle-même et dans le dégagement de tout le créé. Une preuve incontestable en demeure, c'est le vœu de perfection qu'elle prononça le 31 octobre 1686. Elle en soumit d'abord le projet au père Rollin, son directeur. À cette occasion, lui répondit une admirable lettre, datée du 18 septembre 1686. Elle se compose de 17 articles. Nous n'en détachons que quelques mots, dont la portée nous semble plus remarquablement surnaturelle. Vous trouverez ici, ma très chère sœur en notre Seigneur, la résolution des principales questions que vous m'avez faites. Je vous dis ces choses avec d'autant plus d'assurance que je suis persuadée que c'est Dieu qui va vous signifier ses volontés par le plus misérable des hommes. L'eau qui passe par un canal d'argile est aussi bonne que celle qui passerait par un canal d'or. J'ai assez vu et connu vos misères en même temps que vous m'avez raconté les miséricordes de Dieu en votre endroit. Je sais quelle est votre disposition. Demeurez en paix, ne vous tourmentez pas de cette pensée que vous êtes une hypocrite. On ne l'est pas si l'on ne le veut. Je ne connais pas que vous le vouliez. Ainsi, soyez en repos sur cet article. Mettez en pratique ce que vous dites, qu'il vous suffit d'agir et de bâtir en silence. Aimez l'esprit qui vous conduit. Ce n'est pas une marque de réprobation de n'avoir jamais aucun mouvement de joie ni de douleur, si ce n'est ceux que le Saint-Esprit qui vous conduit vous imprime. N'attribuez pas à aucun endurcissement la paix dont notre Seigneur vous fait jouir dans vos croix. Je ne désapprouve pas cette haine que vous avez pour votre corps et ce plaisir que vous sentez à le voir périr, et selon l'esprit de l'Évangile. Ne le traitez rudement que dépendamment de l'obéissance. Il me semble que vous craignez de traiter familièrement avec notre Seigneur. Sachez que c'est la manière de converser avec lui qui lui est la plus agréable. J'approuve que vous fassiez les vœux que vous m'avez marqués à la fin de la première retraite que vous allez faire au premier jour. S'il vous arrivait dans la suite qu'il vous causasse du trouble, il ne subsisterait plus, vous en seriez entièrement dégagé. Moi ou un autre qui vous serait, ce que je vous suis, aura tout pouvoir sur ses vœux pour vous les expliquer, quand il vous viendra des doutes, ou même pour vous en dispenser, s'il était expédient pour la plus grande gloire de Dieu. Sûr d'accomplir la volonté de notre Seigneur en faisant ce vœu, approuvé par son directeur et sa supérieure, sœur Marguerite Marie renferme en 17 articles tout ce que son Dieu demande d'elle, et qui peut se résumer dans cette formule du début. Vœu fait la veille de Toussaint de l'année 1686 pour me lier, consacrer et m'immoler plus étroitement, absolument et plus parfaitement au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce serait trop long de citer le texte en entier. Qu'il suffise d'en extraire le 8e et le 10e article. 8e article. Je m'abandonne totalement au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour me consoler ou m'affliger selon son bon plaisir, sans me plus vouloir mêler de moi-même, me contentant d'adhérer à toutes ses saintes opérations et dispositions, me regardant comme sa victime, qui doit toujours être dans un continuel acte d'immolation et de sacrifice, selon son bon plaisir, ne m'attachant à rien qu'à l'aimer et le contenter, en agissant et souffrant en silence. 10e article. Je regarderai tous ceux qui m'affligeront ou parleront mal de moi comme mes meilleurs amis et tâcherai de leur rendre tous les services et tous les biens que je pourrai. Après s'être prescrit tout ce que la lumière céleste lui montrait exiger d'elle, la sainte avoue qu'elle n'aurait pas eu le courage de s'y engager si elle n'eût été fortifiée et rassurée par ces paroles qui lui furent dites dans le plus intime de son cœur. Que crains-tu, puisque j'ai répondu pour toi et me suis rendu ta caution? L'unité de mon pur amour te tiendra lieu d'attention dans la multiplicité de toutes ces choses et te promet qu'il réparera les fautes que tu pourrais commettre et s'en vengera lui-même sur toi. L'année 1686 était sur son couchant et on devait songer à se séparer puisque la servante de Dieu quittait sa charge de directrice. Plusieurs sœurs devant sortir du noviciat en même temps que leur bien-aimée maîtresse résolurent d'emporter la petite image du Sacré-Cœur, qu'elles honoraient chacune à leur tour et qui faisait tout leur trésor. On la portait tout le jour sur son cœur comme un bouquet, et celle qui l'avait prenait soin de bien caresser ce divin cœur et de faire quantité d'actes de vertu en son honneur selon que sa ferveur le lui inspirait. Elles trouvèrent une petite niche pour la placer, dans un endroit retiré où l'on allait rarement. Elles le choisirent pour faire plus commodément leur dévotion, et on y fit un petit oratoire donnant sur l'escalier qui conduisait à la tour du noviciat. Les premières disciples du cœur de Jésus firent de ce petit sanctuaire le lieu de leurs délices, l'embellissant de leur mieux. Plus tard, elles y peignirent des cœurs, des étoiles, des fleurs et des fruits, comme si elles eussent voulu réunir le ciel et la terre autour du roi de tous les cœurs. La croyance traditionnelle du monastère est que ces très naïves peintures sont l'œuvre de sœur Marie-Nicole de la Fège des Clènes. La sœur de Farges fit faire un tableau du Sacré-Cœur et la sainte, dans une lettre à la mère de Sommez, dit qu'il est tel qu'elle le désirait pour cette petite chapelle. La sœur des Escures se montra jalouse et fière d'être la sacristine du cher oratoire. « C'est un petit bijou, tant elle l'ajuste bien », écrira encore sœur Marguerite Marie. Que de prières enflammées montèrent de ce cénacle d'amour vers le cœur de Jésus. Pour aider la dévotion des sœurs, il y avait des livres imprimés ou manuscrits, à l'usage spécial de celles qui fréquentaient l'oratoire du divin cœur de Jésus qui est en Nazareth. Ayez, s'il vous plaît, la bonté de ne l'en point sortir. Telle est la recommandation qui se lit encore sur un de ses recueils avec la date 25 décembre 1688. Plus touchante est la dédicace d'un autre petit recueil manuscrit, commencé ce jeudi 16 octobre 1687. Pour Jésus, mon très aimable Sauveur, Jésus-Christ, recevez et acceptez ces faibles écrits tout dédiés pour honorer et glorifier votre divin cœur. On peut l'affirmer, un esprit nouveau vivifiait toute la communauté depuis que le cœur de Jésus y était honoré, servi, aimé, invoqué par toutes les âmes qui la composaient. Monseigneur Languet, qu'on ne peut accuser de partialité, décrit magnifiquement la transformation du monastère de Barret par la dévotion au Sacré-Cœur. C'est ainsi que la dévotion au cœur de notre Seigneur opéra dans cette communauté ce changement merveilleux que sœur Marguerite avait obtenu par ses larmes et ses souffrances, sa patience et son humilité triomphant de tout. Le Fils de Dieu changea les cœurs qui commencèrent à honorer le sien. Il y répandit l'amour de la perfection religieuse et le zèle pour l'acquérir. Mais à mesure que ces filles ouvrirent les yeux sur la sainteté de leurs devoirs, elles les ouvrirent en même temps sur le mérite de celles qui leur attiraient tant de bénédictions de la part de Dieu. Les contradictions et les mépris se changèrent en vénération pour elles. On ne la nommait plus que la sainte, et on écoutait ses paroles comme des oracles.